Chapitre 24. L'épopée et la tragédie comparées. L'épopée a encore les mêmes espèces que la tragédie, car elle est ou simple, ou implexe, ou morale, ou pathétique. Elle a les mêmes parties composantes, hors le chant et le spectacle. Elle a les reconnaissances et les événements tragiques. Enfin, elle a les pensées et les expressions non vulgaires. Homère a employé tout cela le premier, et de la manière convenable. La fable de l'Iliade est simple et pathétique. Celle de l'Odyssée est implexe, morale, remplie de reconnaissance d'un bout à l'autre. À quoi il faut ajouter les pensées et les expressions que ce poète possède à un degré dont personne n'a approché. Mais l'épopée diffère de la tragédie quant à l'étendue et quant au vers. Nous avons parlé ci-dessus de son étendue, et nous avons dit qu'il faut pouvoir en embrasser à la fois le commencement et la fin d'une seule vue, ce qui se fera si les fables sont un peu moins longues que celles des anciens, si l'on tâche, par exemple, de les renfermer dans la durée de ce qu'on joue de tragédies en un jour. L'épopée a, pour étendre sa fable, beaucoup de moyens que n'a point la tragédie. Celle-ci ne peut pas imiter à la fois plusieurs choses différentes, qui se font en même temps en divers lieux. Elle ne peut donner que ce qui se fait sur la scène par les acteurs que l'on voit. L'épopée, au contraire, étant en récit, peut peindre tout ce qui est d'un même moment, en quelque lieu qu'il soit, pourvu qu'il tienne au sujet. Ce qui la met en état de se montrer avec magnificence, de transporter le lecteur d'un lieu à un autre, et de varier ses épisodes d'une infinité de manières. Et par là, de prévenir la satiété qui naît de l'uniformité et fait tomber les tragédies. Le vers héroïque a été donné à l'épopée d'après l'expérience. Tout autre vers, soit mêlé, soit sans mélange, serait déplacé chez elle. Le vers héroïque est le plus grave et le plus majestueux des vers. Aussi n'en est-il point qui soutienne mieux que lui les métaphores et les mots étrangers. Car la narration épique est de toutes les poésies la plus hardie dans son style. Le vers iambique et le tétramètre ont plus de mouvement. Celui-ci est plus dansant, l'autre plus actif. En les mêlant, comme a fait Kérémon, il serait encore moins supportable dans l'épopée. Aussi, personne ne s'est-il jamais avisé de faire un poème d'une certaine étendue en autre vers que l'héroïque. Nous l'avons dit, la nature même a fait connaître quel devait être son partage. Homère, admirable par tant d'autres endroits, l'est encore en ce qu'il est le seul qui ait bien su ce qu'il devait faire comme poète. Le poète, étant imitateur, doit parler lui-même le moins qu'il est possible. Car aussitôt qu'il se montre, il cesse d'être imitateur. Les autres se montrent partout dans leurs poèmes, et ne sont imitateurs que de loin en loin et pour des instants. Homère, après un mot de préparation, fait aussitôt parler soit un homme, soit une femme, ou quelque autre agent caractérisé. Car chez lui, nul personnage n'est sans un caractère. La tragédie doit étonner par une sorte de merveilleux. L'épopée, pour étonner encore plus, va jusqu'à l'incroyable, parce que ce qui se fait chez elle n'est point jugé par les yeux. Par exemple, Hector fuyant devant Achille serait ridicule sur la scène. On verrait d'un côté les Grecs immobiles, et de l'autre, Achille leur faisant signe de s'arrêter. Mais dans un récit, cela ne s'aperçoit point. Or, ce qui est merveilleux plaît. C'est par cette raison que tous ceux qui racontent grossissent les objets pour faire plus de plaisir à ceux qui les écoutent. C'est encore Homère qui a montré la manière de faire passer le faux par un sophisme dont voici le principe. On croit sans peine, lorsqu'une chose est ou arrive ordinairement après une autre, que si celle-ci est ou est arrivée, l'autre doit être aussi ou être arrivée. Or, cette conséquence est fausse. Elle l'est de même quand on conclut de la première à la seconde, parce que la seconde, souvent, n'est pas une suite nécessaire de la première. Mais ayant vu que la première était, nous en concluons machinalement que la seconde est aussi. Au reste, il vaut mieux employer l'impossible qui paraît vraisemblable que le possible qui ne le paraîtrait pas. Il faut non seulement que les fables soient composées de parties toutes fondées en raison, mais que nulle part il n'y ait rien d'absurde. Sinon, il sera hors du drame, comme l'ignorance d'Édipe sur les circonstances de la mort de Laïus. Et jamais dans le drame, comme dans l'Électre, où l'on parle des jeux pythiques, et dans les Mysiens, où l'on fait venir de Tégée jusqu'en Mysie un homme qui ne parle point. Mais sans cela, le poème n'avait pas lieu. Excuse ridicule, il n'y avait qu'à le composer autrement. Mais on en tire de grandes beautés. Si cela est, on pourra employer même l'absurde. Si dans l'Odyssée, l'arrivée d'Ulysse en Ithaque, où tout est hors de vraisemblance, eût été traitée par un poète médiocre, elle serait insoutenable. Mais Homère y a répandu tant de charme que l'absurdité disparaît. Cet exemple apprend aux poètes combien ils doivent travailler les endroits faibles qui ne fournissent ni tableau de mœurs, ni pensées. Mais aussi, quand il y a des pensées et des mœurs, un style trop brillant les obscurcit.